coulant du pacte indolore, l'impact de l'empathie pâtissant d'un désert de contact. Il faut que tout reste intact, quitte à faire du théâtre. Écarter l'inquiétant coloris et le plâtre du décor, car ton pâte falsifier les tempêtes et les drames sont aussi à exclure de la scénette. C'est dit, c'est net sur la sellette pour ignorer la moclès, avaler des sornettes. Le serpent à sonnette sifflera peut-être ignoré et omettre comme une façon de s'en remettre. Comme une façon de s'en remettre. Il finit par se perdre, par s'égarer devant tant d'impostures. Sa réponse à l'austère, cette terre qui vous passe terre, qui met des filtres pastels sur les posters des imposteurs. Ses locaux il s'y perd. Sa rétine, l'enchancré d'une daronne, échanter des comptines devant les cours d'école. Un carré d'as de crime qui ne parle à personne, dissimuler persienne devant les bêtes de somme. Taper un petit somme, et si l'on assassine ici les traces des séismes, c'est à coup de valium. Inséminer l'ellipse comme routine à l'oubli, l'amnésie à le podium, l'amnistie et l'hostie. Et ce qu'il dit tout tic devant cette découverte, c'est édulcoré le tragique, ne rend pas l'herbe plus verte. Ne rend pas l'herbe plus verte. Ne rend pas l'herbe plus verte. Ne rend pas l'herbe plus verte.